Ça va mal, mes amis, ça va mal, mais j'ai failli vivre l'enfer. Ce week-end, j'étais en vadrouille chez les barbares. J'étais chez les roast beef pour un mariage. J'ai donc pris l'avion, c'est vrai, cette fois. Tu vois. Eh oui, pour aller au pays où les moutons ont plus de valeur que les gens. Je suis arrivé à l'aéroport John Lennon à Liverpool. Au départ, j'ai cru que c'était une blague. J'ai même chanté l'hôtesse. J'ai chopé l'hôtesse en lui disant « J'espère qu'on n'aura pas de retard, j'ai une correspondance pour Bruxelles à l'aéroport à Nicordi. » Ça l'a pas fait rire. Et pour cause, ça s'appelle vraiment l'aéroport John Lennon. Ils sont cons, ces roast beef. J'ai été chercher les clés de la voiture que j'avais louée. Après inspection du véhicule, je regarde le loueur dans les yeux, je lui dis « Dis-moi, Tom Sawyer, je sais que j'ai demandé le modèle économique, mais de là me passer un véhicule défectueux, faudrait pas avoir à pousser le casier dans les saucisses. Tu crois que j'ai pas vu que le volant était du mauvais côté ?» Lui dis-je, tout en lui arrachant la couille gauche, en lui crevant l'œil droit pour son incontestable mépris de l'étranger que j'étais. Une fois vérification faite chez les roast beef, toutes les voitures ont le volant du mauvais côté. Je m'excuse, j'essaye de réparer les dégâts que j'avais provoqués sur le malheureux. Pour l'œil droit, c'était mort. Je l'ai donc remplacé avec ce que j'avais de plus rond et de plus proche sous la main, c'est-à-dire la couille du type en question. 9h15 accidents plus tard, je précise que non seulement ils ont le volant du mauvais côté, mais en plus ils roulent tous à contresens. Bref, j'arrive donc à l'église. Tout se déroule sans problème. Enfin, je crois, au vu que ces rustres n'ont pas fait l'effort de parler en français, alors qu'ils savaient très bien que j'étais là. Oui. Tout à coup, sans que je m'y attende, la prêtresse a demandé « Si quelqu'un a quelque chose à dire contre cet union, qu'il le dise maintenant, ou bien qu'il se tait jamais. » Que les burnes du Kaiser me servent de pantoufles! J'ai toujours cru que c'était une phrase de cinéma, ça! Alors, pour fêter l'événement, oh, tu me connais, Christophe. Non, je suis pas vrai. J'ai crié, yes, me! C'est pas vrai. Tout le monde s'est mis à me regarder, comme si c'était moi qui avais enlevé la roulette du fauteuil de Superman, ce qui a provoqué sa crise cardiaque. Du coup, je me suis assis au fond et j'ai picolé tranquille, sans rien dire. Une fois la cérémonie terminée, j'étais légèrement éméché. J'ai attendu que la prêtresse soit seule, j'ai été la voir. Dis donc, toi, tu crois que j'ai pas vu que t'étais une femelle? Comment ça, vous avez le droit d'être prêtre chez les roast beef? Ah, vous avez le droit de vous marier aussi. Bon, dans votre temps de mystère, je me suis dit, Helmut, mieux vaut partir et quitter ces pays étranges. Le problème, c'est que j'avais pas fait attention. Après avoir fait pipi au fond de l'église, j'avais oublié de remettre mon slip. Du coup, la prêtresse m'a vu cul nu quand j'ai tourné le dos. Elle a vu mon tatouage sur la fesse droite, les petits diables qui jouent au jokari. Elle est devenue dingue. Elle a bouffé 5 kilos d'hostie. Elle a mis le face au costard en gueulant. Come on, Elton John! I am ta chose! I am ton jouet! I am ton nenos! Treat me like a fool! Treat me mean and cruel, but love me! I am a salopry qui deserve humiliation! Treat me like a chienne sans fierté! Yes! Du coup, ça. Devant une telle invitation, je suis resté un peu pour finir de parcourir l'intérieur des coutumes. Normal. Allez, au revoir, Zen.